je distingue à peine les hommes en tête de chaloupe. Cette brume est providentielle. Pourtant, aucune raison de se réjouir. La situation serait même plutôt alarmante. Si nous ne les voyons pas, eux savent très bien où nous sommes. Anna, à bout de force, nous arrêtons de pagayer. La brume est de plus en plus dense. Je ne vois plus l'homme assis devant moi. L'un de nous donne encore un dernier coup de rame, puis plus rien. Le silence. Et le blanc tout autour. Il y a encore un instant, le battement de mon cœur était assourdissant. Tout est calme à présent. Je n'ai plus la force de retirer la couche de glace qui s'est formée sur ma barbe. Le froid ne me fait plus souffrir. La chaloupe glisse doucement. Nous entrons dans le pays des morts. Une douleur vive me sort brusquement de ma torpeur. Une branche vient de me lacérer le visage. La chaloupe est échouée sur le rivage. Je distingue à nouveau mes compagnons. Ils sont là, immobiles, raides comme des mannequins de cire. Une poussière blanche recouvre nos corps. En tête de chaloupe, la silhouette massive d'un homme, debout. Un Indien. Il avance vers moi. Il progresse doucement, frôle mes compagnons qui ne semblent pas le voir. Mes paupières se ferment à nouveau. Je ne sais pas comment je trouve la force de saisir une arme. Ce n'est pas un couteau, c'est une serpette de vanier. Mon père pensait l'avoir perdue, mais peut-être savait-il que je la lui avais volée. Enfant, j'étais fasciné par cette lame en forme de croissant de lune. C'est le seul objet que j'ai emporté avec moi. Je rouvre les yeux. Il est devant moi. Il s'est arrêté tout près. Je n'ai pas peur. Aucun de nous deux ne semble avoir peur. Je ne sais combien de temps nous restons immobiles, face à face. Je lutte pour ne pas fermer les yeux. Ma posture n'est pas menaçante. J'ai le bras à demi levé, comme si je lui tendais l'objet. Lentement, sans me quitter des yeux, il décroche d'abord les branches qui retiennent la chaloupe. Puis, avec prudence, il se saisit de mon arme et dépose dans le creux de ma main une petite pierre noire. La chaleur de cette pierre envahit tout mon corps. Alors que je relève les yeux vers lui, l'Indien enjambe rapidement le rebord de la barque et d'un geste vigoureux repousse notre embarcation vers les courants du fleuve. Comme s'il n'attendait qu'un signal, les deux hommes en tête de chaloupe se remettent à pagayer comme des automates. Épuisé, je ferme les yeux. Quand je les rouvre, c'est pour découvrir le visage d'une femme. Je sais que nous sommes arrivés.